Et voilà, c'était une pièce sonore. Bonjour Vania. Bonjour Vania. Pièce sonore réalisée par les étudiants Tex de la AKB de Berne. Merci pour votre participation. Et du coup, tous ces étudiants Tex ont fait une multitude de workshops tout au long de la semaine, où elles étaient présentes au sein du festival, et elles ont bossé avec Tetsuya Umeda, avec Vanessa Rossetto, avec Natasha Dils également, ainsi qu'avec Flo Kaufmann. Donc voilà, donc là ce que vous venez d'entendre, c'était un genre de florilège résumé de tous ces moments sonores d'après andage, je ne sais pas si ce mot est correct, mais de l'environnement. D'appréhension. Oui, mais appréhension, ça sonne un peu, tu vois ce que je veux dire ? Ça sonne un peu... Ah oui, bad. Ça sonne un peu... Un peu bad. Ok, oui. Okay. Oui, oui, un peu comme une peur. Un peu comme, oui, exact. Et là, c'est le moment où... Je vois Victor arriver. Génial, parce que là, voilà. On commence j'ai Victor légèrement en visuel. À être en roue libre, mais c'est le but aussi de se laisser des espaces de liberté conséquents. Et Victor Françoise nous rejoint au micro. Et alors ça, c'est vraiment, franchement, l'occasion fait le larron, comme on dit. On le dit assez souvent d'ailleurs, l'occasion fait le larron dans ce festival. C'est vrai. Oui. Jeanne m'a dit que c'était now or never. Exactly. Non mais c'est trop bien que tu sois là parce que t'es vraiment un peu la personne de la situation dans toutes les situations. La personne puis, de les situations. Oui, de les situations, c'est ça. Et après, on ne va pas prendre ton temps trop longtemps parce que ça, cette mission-là ne faisait pas partie de ta to-do list qui on ne voit plus le bout d'ailleurs. Oui, il y a déjà une autre situation qui est en train de se créer. Mais ouais, c'est drôle. Comment ça va comment ça va? Ça va. Ça va, tu tiens le coup? Ouais, ça va, ça va. On voit le bout. Toi, tu l'as défini comment ta mission à Archipel, en étant comme ça fatigué là, sans être comme ça exactement avec le. Non, en survie. Non, ça va. C'est du flux continu. Ouais. Pas trop tendu. Diesel. Ouais, exactement. Ouais. Diesel. Ouais. Punaise. Donc ouais. Mais non, ouais, c'est genre production et médiateur et diplomate. Comme ça. Ouais, la médiation, j'essaie d'éviter. Ouais. Ou alors la médiation. Non, médiation entre les gens. Entre les gens. Ouais. C'est ça, je fais la médiation entre la technique, les artistes, le bureau et tous les gens qui ont qui parlent différemment. Je fais traducteur en fait, je fais interprète. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Ça a très bien marché dans les premiers jours avec moi. T'es un très très bon interprète. Tu devrais avoir un slot de concert comme ça aussi. D'interprète ? Oui, en tant qu'interprète. Ça peut être pas mal. Pour jouer des... Non ? Moi, j'ai lancé ma roue libre. Hein. Maintenant, vous prenez en cours de route, les amis. Non, mais moi, je suis assez client. Là, vous pouvez continuer un petit moment. Après, je prends le mic et puis je... Non, mais je veux dire, parce que c'est quand même très précieux d'avoir Victor là assis. Parce que le truc, c'est qu'il s'est habitué à. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on a installé comme un tapis roulant comme ça le long du couloir et qu'il n'y a toujours que Victor qui peut le prendre et qui va à 15 km/h comme ça dans un sens et dans l'autre. Mais ce serait intéressant de mettre un slip and slide dans ce. Non, c'est pas perdu. Tu sais, que je puisse plonger comme ça et arriver jusqu'au bout des pas perdus. Mais oui, parce que qu'est-ce que tu vas faire à chaque fois en allant là-bas? Parce que c'est un peu dead end, quoi. Enfin, il y a des toilettes. Ouais, je vais aux toilettes. Ah ouais, ok. Ah, mais c'est ça, en fait. C'est là ton petit endroit. Je vais me cacher aux toilettes. Voilà, exactement. Parce qu'on a appris entre-temps qu'il y avait un hamac caché quelque part, qu'il y a quand même des endroits visiblement silencieux dans cet espace. Tu le connais, le hamac ou... C'est un grand mystère. Mais je crois que je sais depuis hier où est-ce qu'il se trouve. Toi, t'as tes endroits un peu cachés comme ça dans ce bâtiment où t'arrives à aller te poser un peu? Non. Où il n'y a pas de réseau téléphonique. Tant que je suis là, je ne me pose pas. Je ne crois pas que je me pose. Si je me pose, c'est fini. Et tu as pu aller voir un peu quand même des concerts? Ouais. Ouais. Ouais, je suis allé voir quelques trucs. Ouais. J'essaye d'aller les voir quand j'ai le temps et l'espace mental. Mais j'ai vu des trucs super, ouais. Il y a une chose qui t'a touché en particulier? Ouais. Oui, mais t'imagines? Non. Non. Ouais, il y a... En bien ou en mal. Moi, j'ai bien aimé Yuna Saba, particulièrement la première partie. J'ai bien aimé Radouane, son concert solo après, avant, en Bimbaré ou après. Après, c'était après, c'était ouais. Deuxième. Les certitudes, planant, il paraît que j'ai ronflé, mais c'est bon signe. Il paraît que j'ai ronflé. Je me suis réveillé, enfin j'ai Maya qui m'a donné un coup de coude à un moment. C'est instrument, c'était ma contribution. T'as pas vu derrière featuring Victor dans le programme. Non, voilà, ça c'est des choses qui m'ont plu. Il y a d'autres trucs qui m'ont plu, ouais. C'était quoi le même soir? C'était quoi le même soir que justement les certitudes, qui était cool aussi. Moi, j'étais pas là ce soir-là, il me semble. Et juste après, il y avait les certitudes et il y avait. Parce que les certitudes, ah bah, c'était là-haut, attends, c'était. Il y avait Rodri Léo, Davis. Ah oui, c'était Rodri Davis. Et puis Alba Nick Rarta. Waouh. Waouh, c'est comme ça que ça se dit? Je crois, mais en fait, je l'avais un peu appris par cœur. Et puis au moment où je l'ai récité devant elle, elle m'a un petit peu corrigé et j'ai pas retenu la correction, mais l'émission est archivée, donc vous pouvez l'écouter. Il y a un peu un how to pronounce. Il y a même Marie qui m'a envoyé un enregistrement. Mais je crois que l'enregistrement était faux. Mais je vais quand même vous le passer. Ah, c'est bien la peine. Ah oui, pour savoir comment... Ouais. Ah. Alors, c'est les joies du direct et de mon gros pouce. On y va. Hi Marie, nice to hear from you. Hope you are well too. Excited for the festival. Yeah, no problem. My name is difficult. So, first name is Alva, like A-L-V-A. That's how it sounds, Alva. And the surname is Nick Erachta. So how I would say it is Alva Nick Erachta. The full name, and then the second name, Nick Erachta. I hope that's okay. Let me know if you need it slower. Ciao. Et ma version. Alva Nick Erachta. Mais franchement, ça va. Ça va. Moi, ouais. Je pense que t'es le plus juste de ce festival. Ouais. Mais on je a crois qu'à le mais à l'antenne, j'ai un peu dérapé. Bah non, mais ça allait. Mais je pense, à mon avis, j'ai eu l'impression qu'elle avait l'habitude. Oui. Et que c'était vraiment pas la pire version. Mais ce concert était vraiment très très beau. Moi, c'était très bien. Ouais. Je trouvais ça assez exceptionnel. Voilà. Toi, Jeanne, il y a des choses qui t'ont. Qui m'ont quoi? Qui m'ont chamboulé? Ouais, qui t'ont touché. Et Victor, tu dis si tu dois filer aussi, hein, parce que là, nous, maintenant, on est un peu en... Tu vois. Non, mais bloque la sortie. On entendra un courant d'air. Bloque la sortie. Non, bah moi, en vrai, écouter Kiko hier, ça m'a quand même méga touchée, quoi, parce que moi, j'avais découvert son bouquin à la Cave 12 à des heures pas possibles, et j'avais été déjà hyper touchée, en fait, par ce qu'il disait, par son approche, en fait, sa vision, en fait, d'écouter la musique, de produire de la musique. Et donc en fait j'avais d'abord lu son bouquin avant d'écouter son quoi, et toute la semaine on a quand même beaucoup parlé des bruiteurs, enfin Antoine il diffusait pas mal les bruiteurs, et puis là c'était un peu aussi le dernier concert dans le salon d'écoute en haut, et Marie était hyper émue, et je pense que beaucoup de personnes l'ont connu quoi, et du coup écouter ce qu'il faisait, ça m'a touchée quoi, ça m'a beaucoup touchée. Ouais, c'était bien. C'était super. Et il y a quoi aujourd'hui en fait? Enfin, est-ce que. On va y aller en mode vacances, nous, du coup? Ouais, on y va grave en mode vacances. Mais aussi en parce mode que, vacances, en fait, on. Toujours. Ouais. Toujours en mode vacances. Ben, on va avoir aussi le démontage du studio, donc c'est des vacances un peu. C'est la partie des vacances où tu recharges tout dans le coffre de la voiture et tu rentres à la maison. Et après, il faut tout décharger. Non, on va ranger. On va ranger un peu comme ça. Je pense petit après, à petit, un peu ouais. Après manger, non? Oui, un peu après manger. Et puis après, on ira au sauna. Oui, exactement. Ça, c'est notre programme du jour. C'est vraiment ça, c'est notre programme du jour. C'est celui qu'on dit comme ça avec la voix normale. Et le programme du jour d'Archipel, on le dira avec un ballon. Mais c'est un peu le programme d'un dimanche un peu normal. Ouais. Voilà. Quand on met des trucs dans des boîtes et qu'on les transporte quelque part. C'est ça. Mais il y a Juliette Frege ce soir. Ah ça, oui, oui, cool. Non, mais il y a, non, mais y a plein. On va annoncer le programme. Il y a plein de choses à faire pour qui n'est pas concerné par le démontage de ce studio. Il y a Guillaume Fuchs. Ah, voilà. Oui. Ah, ben, je lui laisse ma place alors. Bah, mais il n'est pas encore là, donc. Ouais, enfin, on lui a pas encore dit. J'ai pris le. Non, mais, merci, mais profite de ta pause forcée. Non, mais après, file. Ouais, ouais. De toute façon. Mais c'est juste que. Bah, merci trop d'être venu, en tout cas, déjà, c'est trop chou. Oui. Et bravo pour tout ton travail de avant, de maintenant et puis de après, parce que je pense que ça ne sera pas fini non plus. Et à bientôt. Ciao, ciao. Et oui, parce qu'en fait, festival, bah, c'est vrai qu'on a interviewé les artistes, on a pas mal fait de reportages à propos des artistes, mais en fait, il y a énormément de gens qui travaillent pour ce festival, dont on a évidemment entendu les programmateurices Marie et Denis à un moment donné dans la semaine, là, à ces micros. Mais il y a aussi des gens comme Victor, des gens comme Asta au bar, des gens à la cuisine, des gens dans les bénévoles, la billetterie, Xavier, tout ça. Toutes ces personnes qui font aussi le festival et en fait qui sont les gens qu'on croise le plus et avec qui on fait beaucoup de blagues ou pas. Il est d'accord de venir, Guillaume ? Non. Ah ouais, je m'en doutais. Mais je crois que tout le monde est très fatigué là. Oui. Un peu à bout. Moi, je suis hyper en forme. Bah Emma, du coup, c'est quoi toi ton concert qui t'a le plus marqué ? Moi, j'ai adoré Rodri Davis. Après, j'ai pas bu. Non. Bah c'est vrai que j'ai pas beaucoup bu non plus, mais j'ai pas vu beaucoup de concerts au final cette année. C'est vrai que ça faisait beaucoup de sons aussi juste déjà avec la radio. Ouais. Et c'est quand même des informations à réussir à prendre dans le cerveau et les oreilles. Et des fois c'est trop. Mais Rodri Davis et Alva Nick Oder. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai surtout vraiment aimé la manière de jouer de Rodri Davis là un peu. Moi en tout cas avec aucune connaissance de comment jouer de cet instrument là j'arrivais pas à savoir si c'était j'aimais bien le côté de se dire que peut-être en fait il jouait d'une façon un peu bancale comme ça un peu punk avec vraiment un esprit un peu de savoir pas savoir, virtuose pas virtuose, j'aimais trop cette espèce d'endroit très bancal et en même temps avec beaucoup de confiance et puis je sais pas, ça faisait des sons ça rappelait plein d'autres instruments aussi, enfin c'était vraiment assez fou quoi, j'ai trop kiffé. Voilà, c'est tout, il est midi 20. Mara elle est où? Mara elle mange. Ah bah oui, c'est ça qu'on fait à midi 20. Nadan aussi il mange. Ah mais sinon il faudrait qu'on se fasse un long câble et puis qu'on aille en fait là-bas quoi. On peut faire ça, non? J'ai encore un petit son à passer. Là. Oui. J'ai la petite critique d'art d'un enfant de 3 ans. Oui. Et parce que voilà, puis on peut aller à la pêche aux gens. Non mais après on va arriver après, un peu. Après on fait la des annonces. Parce que la critique de Nour ça dure 2 minutes 40. Hein. Mais on peut la passer plusieurs fois peut-être. Avec plaisir. Non. Je peux la passer en ralenti. Et Vincent de Roguin. Mais non. Vincent de Roguin. VincentDeRoguin.ch. Mais. Je rigole. Je t'enverrai. Non, franchement. Je t'enverrai le reportage sur toi.